بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، louange à Allah. En cette nuit du 25 Safar 1442, qui correspond au 11 octobre 2020, on se retrouve sur les ondes de la radio Taqwa pour une nouvelle assise de la série Les Actes du Cœur. Et cette assise concerne un des actes les plus importants parmi les actes du cœur. Cet acte qui est la véracité. Et on prend ce soir, Inch'Allah, une partie de ce chapitre de la véracité que lui a réservé An-Nawawi dans son livre Riyad Salihin, avec des extraits de l'explication qu'on a fait de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Qala Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Il est dit dans le verset avec lequel Nawawi a ouvert ce chapitre. La traduction approximative de ce verset nous dit « Ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et soyez avec les véridiques. » Wa qala azza wa jal « Was-sadiqina was-sadiqat » La traduction approximative du sens du verset « Les véridiques et celles qui sont véridiques. » Wa qala azza wa jal fi surat Muhammad « Falaw sadaqu Allah lakana khayran lahum » La traduction approximative du sens du verset, il serait mieux pour eux de se montrer véridiques avec Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah a dit, en commentant ce passage, as-sidq, c'est-à-dire la véracité, c'est la conformité de l'annonce à la réalité. Faites que ce qu'on annonce soit conforme à la réalité. Ça, c'est la véracité. Et il dit, rahimahullah, et cela concerne les annonces. Si tu annonces quelque chose et qu'il est conforme à la réalité, on dit que ceci est véridique. Exemple, il dit, rahimahullah, si tu dis de ce jour que c'est dimanche, et que c'est dimanche, donc l'annonce est véridique. Mais si tu dis que c'est lundi alors que c'est dimanche, ceci est un mensonge. Il dit, rahimahullah, l'annonce c'est, s'il est conforme à la vérité, c'est de la véracité. Sinon, c'est du mensonge. Et il dit, rahimahullah, comme la véracité concerne les paroles, il concerne aussi les actes. Au niveau des actes, la véracité, c'est que l'extérieur de la personne doit être conforme avec son intérieur. S'il fait un acte, l'acte doit être conforme à ce qu'il y a dans son cœur. Et il dit, rahimahullah, celui qui agit par ostentation n'est pas véridique, car il montre aux gens qu'il est adorateur alors qu'il ne l'est pas. Et il dit, rahimahullah, l'associateur n'est pas véridique, car il montre aux gens qu'il est monothéiste alors qu'il ne l'est pas. Et il dit, rahimahullah, l'hypocrite n'est pas véridique, car il montre qu'il est croyant alors qu'il ne l'est pas. Et il dit, rahimahullah, l'innovateur n'est pas véridique, car il montre qu'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il ne le suit pas. Il dit, rahmatullah alayhi, donc la véracité, c'est la conformité de l'annonce à la réalité. Et c'est une qualité qui caractérise les croyants. Et le contraire de la véracité, c'est le mensonge, et c'est une caractéristique des hypocrites. Et concernant le verset qu'a cité Nawawi rahimahullah, qui nous dit « Ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et soyez avec les véridiques », Cheikh Al-Uthaymeen a dit que ce verset a été révélé après que se soit cité l'histoire des trois compagnons qui se sont absentés de la bataille du Tabouk. Et parmi ces trois, نوبل كومبانيو كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. Donc ce verset est cité dans un contexte dans lequel a été révélé l'acceptation du repentir de ces trois qui se sont de ces trois nobles compagnons qui se sont absentés de la bataille de Tabouk. Et donc et le verset il est arrivé après en disant une fois que le repentir a été accepté par Allah, le verset est arrivé pour dire ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et soyez avec les véridiques. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il dit, ces trois qui se sont absentés de la bataille de Tabouk, sans excuse valable, et qui ont annoncé au messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils n'avaient pas d'excuse pour leur absence, le messager les a laissés de côté. Comme il est dit dans le verset, وعلى الثلاثة الذين خلفوا. La traduction approximative du sens du verset et les trois qui se sont absentés, ceux-là ont été laissés de côté par le prophète. Il n'a rien dit à leur sujet. Attendons la révélation d'Allah. Contrairement aux hypocrites qui au retour du prophète, alayhi salatu wassalam, de Tabouk, sont venus le voir pour présenter des excuses. Ils juraient par Allah qu'ils avaient des excuses. قال عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. La traduction approximative du sens du verset de cette situation. Hein, qu'allaient faire les hypocrites comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé au messager. Hein? Le verset, dans sa traduction approximative, nous dit ceci. Ils vous feront des sermons par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous d'eux, ils sont une sueur. Et leur refuge est l'enfer en rétribution de ce qu'ils ont acquis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Quant aux trois compagnons, ils étaient véridiques avec le messager d'Allah. Et ils lui ont dit la vérité. Ils lui ont dit qu'ils se sont absentés sans raison valable et sans raison légiférée. Ils n'avaient aucun justificatif pour s'absenter de cette bataille. Le messager d'Allah leur a fait le hajr. Il les a mis de côté, il a demandé aux musulmans aussi de ne plus leur parler. Ainsi que les compagnons, 50 nuits diront, ils ont été délaissés de côté, personne ne leur parle. Au point que malgré que la terre est vaste, il était devenu exigu pour eux. Et ils se sont sentis à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès d'Allah. Et puis Allah a révélé leur repentir. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient véridiques. Et juste après la révélation de leur repentir, le verset dit « Ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et soyez avec les véridiques. » Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Cheikh ici, a ordonné aux croyants de préserver ses droits et d'être avec les véridiques et pas avec les menteurs. Et puis, dans le verset qui suit, cité par Nawawi rahimahullah, والصادقين والصادقات, les véridiques et celles qui sont véridiques aussi, dans Sourate Al-Kawalizeh où il est dit والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات, jusqu'à la fin du verset où il est dit أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Donc les soumis, les soumises, les croyants et les croyantes, les véridiques et celles qui sont véridiques, jusqu'à la fin du verset où il dit « Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense ». Et Cheikh Al-Uthaymeen de dire concernant ce verset, Allah Azza wa Jalla cite les véridiques et celles qui sont véridiques, les hommes et les femmes, dans un contexte d'éloge, il les a cités dans un contexte d'éloge dans ces versets. Subhanahu wa ta'ala. Et il a annoncé aussi ce qu'ils ont comme énorme récompense. Nawawi rahimahullah avait cité aussi dans ce paragraphe فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. La traduction فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. La traduction approximative de ce verset, il serait mieux pour eux de se montrer véridiques pour Allah. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, s'ils se comportaient avec véracité pour Allah, ça serait mieux pour eux. Mais ils ont menti à Allah. Ils se sont comportés comme des hypocrites. Ils ont fait apparaître le contraire de ce qu'il y a dans leur cœur. Ils ont menti au messager. Ils ont prétendu qu'ils le suivent alors qu'ils sont en divergence avec lui. Donc, s'ils étaient véridiques avec leur cœur et avec leurs actes avec Allah, ça aurait été mieux pour eux. Mais ils ont menti à Allah et ceci est très grave. Et ceci est très grave pour eux. Et Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, dans son commentaire, a cité un verset qui dit ليزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. La traduction approximative de ce verset qu'a cité Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur véracité et châtie les hypocrites ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Cheikh Al-Uthaymeen de dire cela prouve que la véracité est d'une grande importance et qu'il est récompensé par Allah fortement. Donc nous devons être véridiques et nous devons être des nombres des véridiques et nous devons être francs et nous ne devons pas cacher les choses aux autres et agir par adulation. Beaucoup de gens, quand on leur demande s'ils ont fait quelque chose, alors qu'on ne sait pas s'ils l'ont fait ou pas, ils mentent. Ils disent non, je ne l'ai pas fait. Cheikh Al-Uthaymeen dit pourquoi? Pourquoi avoir honte des créatures et mentir à Allah Azza wa Jal? Il dit Rahimahullah, dis la vérité. Il ne fait pas attention aux autres. Si tu t'habitues à la véracité dans l'avenir, tu vas amender ta situation et tu vas te réformer en bien et réformer ta situation en bien. Mais si tu mens aux gens, tu vas être constamment dans le mensonge et tu vas continuer dans une voie mauvaise. Mais si tu es véridique et tu dis la vérité, tu vas te rectifier et rectifier ta voie. Et rectifier ta voie. Il dit rahmatullah alayh, donc sois véridique dans toutes tes situations, qu'il soit pour toi ou contre toi, pour que tu sois avec les véridiques. Hein? Pour que tu sois avec les véridiques avec qui Allah t'a ordonné d'être. Dans le verset, il dit, soyez avec les véridiques. Quant au hadith de Ka'b ibn Malik et de ceux qui se sont absentés de la bataille de Tabouk, donc ce hadith concerne l'histoire de l'absence de Ka'b ibn Malik de la bataille de Tabouk avec le prophète alayhi salam. Cette bataille a eu lieu au long 9 de l'Hégire, la 9e année de l'Hégire. Le messager alayhi salatu salam est parti pour combattre les Romains car il lui a été rapporté que les chrétiens romains du nord d'Arabie réunissent leurs armées et leurs forces pour le combattre, pour venir le combattre. Et le messager est parti les combattre. Hein, est parti les combattre, est parti directement. Il les a pas attendus à venir. Il est parti directement. Et il est resté à Tabouk 20 nuits. Mais il n'a vu ni manigance, ni ennemi, et il est revenu. Cette bataille a eu lieu pendant les grandes chaleurs de l'été, au moment où les fruits sont mûrs, ainsi que les primeurs de date. Les hypocrites ont préféré le bas monde à l'au-delà. Et les hypocrites se sont absentés de cette bataille. Ils sont restés à l'ombre de leur récolte de fruits et de dattes, car la distance entre Médine et Tabouk leur paraissait الوان. Quant aux croyants véridiques, ils sont sortis avec le messager d'Allah, ni la distance, ni la récolte de fruits, ni la chaleur ne les a détournés de la sortie avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum. Sauf Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik s'est absenté et n'est pas parti à cette bataille. Il s'est absenté sans aucune excuse valable. Il fait partie des meilleurs croyants. C'est pour ça qu'il a dit, radiyallahu anhu wa dha, que jamais il s'est absenté d'une bataille avec le messager d'Allah. Et il est considéré, il fait partie du nombre du combattant à l'époque du prophète sur le sentier d'Allah. Ah, donc il a dit qu'il ne s'est jamais absenté d'une bataille sauf pour la bataille de Badr. Pourquoi il s'est absenté de la bataille de Badr? Ka'b n'y était pas, car le messager d'Allah, quand il est sorti de Médine, il ne voulait pas le combat. C'est pour ça qu'il n'y a eu que 300 compagnons, 300 à 315 compagnons qui sont sortis avec le messager, alayhi salatu salam, pour Badr. Car le messager d'Allah voulait tout simplement s'attaquer à la caravane commerciale de Quraysh et s'en emparer. Cette caravane qui est revenue du nord d'Arabie pour aller à la Mecque et qui passait pas loin de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour prendre cette caravane, car les Mécois ont chassé le prophète alayhi salam de la Mecque ainsi que les compagnons et les gens chassés et ont pris leurs biens. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam voulait attaquer cette caravane. Cheikh Al-Uthaymeen dit que Ka'b ibn Malik, il cite la parole de Ka'b ibn Malik qui a dit: je n'étais pas plus fort ni plus aisé au moment où je me suis absenté de la bataille de Tabouk avec le prophète. Cheikh Al-Uthaymeen il dit que Ka'b ibn Malik était fort, aisé, au point qu'il avait deux montures pour cette bataille. Et il n'a jamais eu deux montures pour aucune autre bataille avant la bataille du Tabouk. Donc, il s'est préparé. Le prophète s'est préparé ainsi que le compagnon. Le prophète, Ka'b ibn Malik s'est préparé aussi, en ayant aussi deux montures. Le prophète avait l'habitude, quand il veut aller à une bataille, il n'annonce pas la direction vers laquelle il allait. Mais il annonce souvent son opposé. Et ça fait partie des sagesses du messager alayhi salatu salam et du savoir bien fait du messager alayhi salatu salam et de son savoir, et ça fait partie de son savoir guerrier. Car s'il montrait la direction qu'il voulait, l'ennemi va se préparer plus pour l'accueillir. Et peut-être que l'ennemi quittera le lieu vers lequel se dirigeait le prophète alayhi salatu salam. Et par exemple, quand le prophète alayhi salatu salam veut aller à une bataille dans le sud, il annonçait le nord, alayhi salatu salam. Et s'il voulait l'est, il annonçait l'ouest, pour que l'ennemi ne sache pas ses secrets. Sauf pour la bataille du Tabouk. Pour la bataille du Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré clairement sa destination à ses compagnons pour plusieurs raisons. La première raison, car c'était en plein été et au moment de la récolte des fruits, et ce moment les âmes sont fainéantes et aiment l'aisance, le confort, l'ombre. La deuxième cause, la distance est loin entre Médine et Tabouk. Il y a la traversée de grands déserts de sable, il y a la soif, il y a le soleil, etc. La troisième raison, l'ennemi, ce sont les Romains. Et ils se sont réunis, ils ont réuni un grand nombre de soldats, selon ce qui a été rapporté au messager, alayhi salatu salam. C'est pour tout cela que le messager a donné des précisions aux compagnons ridwanullah alayhim sur cette bataille, et qu'il leur a annoncé qu'il allait à Tabouk, car c'est loin de Médine, pour que Les compagnons se préparent à ce long voyage. Les soumis à Allah sont sortis avec le messager d'Allah. Ne s'est absenté que ceux qui ont été découragés par l'hypocrisie. Et trois personnes croyantes qui sont Ka'b ibn Malik, ainsi que Marara ibn Rabi' et Hilal ibn Umayya, qui sont des purs croyants, mais ils se sont absentés pour quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Pour quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. En dehors de ces trois, tous ceux qui se sont absentés, ce ne sont que des hypocrites qui baignent dans l'hypocrisie. Donc le messager d'Allah est parti avec un grand nombre de compagnons vers Tabouk. Et il est arrivé à Tabouk, il y a campé pendant 20 jours, mais il n'y a pas eu de bataille et ils n'ont pas rencontré d'ennemis et le messager et ses compagnons ont fait demi-tour. Ka'b ibn Malik, pendant ces 20 jours, Ka'b ibn Malik a dit que le messager et les soumis à Allah se sont préparés et sont partis de Médine. Quant à lui, il s'est retardé. Et chaque matin, il va préparer sa monture en disant « Je le rejoins ». Mais il ne le fait pas. Et chaque jour, il agit ainsi, mais il ne l'a pas fait, radiyallahu anhu arda, jusqu'à ce que le prophète soit de retour. Cheikh Al-Utaymiyyah, rahmatullah alayhi, a dit « Cela prouve que si l'être humain ne se hâte pas à accomplir les bonnes œuvres, il en sera privé. » Car il est dit dans le verset قال عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذلهم في طغيانهم يعمهون. La traduction approximative du sens du verset, parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'y ont pas cru la première fois, nous détourneront leur cœur et leurs yeux, nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion. Cheikh Al-Utaymiyyah rahmatullah alayh a dit, l'être humain connaît la vérité, il dit, c'est l'être humain connaît la vérité, ne se hâte pas à la mettre en application dès le début, il en sera privé, qu'Allah nous en préserve. Il a dit que tu connais la vérité et qu'il est dans tes capacités, il faut que tu la mettes en application. Sinon tu vas en être privé, comme il est dit dans le verset, et comme ce que nous explique Cheikh Al-Utaymiyyah rahmatullah alayh. Et aussi, il dit, rahmatullah alayh, c'est l'être humain, ne patiente pas et n'endure pas au début de la catastrophe, il sera privé de sa récompense. Car le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, certes, c'est au début de la catastrophe qu'il faut patienter. C'est-à-dire, il ne faut pas se lamenter au début de la catastrophe. Et que tu l'as subi, tu patientes, tu endures pour avoir sa récompense. Comme il a dit le messager, alayhi salatu wassalam, c'est au début de la catastrophe qu'il faut patienter. Cheikh Al-Utaymiyyah rahmatullah alayhi a dit, il t'incombe, ô frère, que tu te hâtes à accomplir les bonnes œuvres. Ne retarde pas. Ne retarde pas. Ne repousse pas. Car tu peux en être incapable ou tu tombes dans la paresse et Shaitan te vaincra. Ainsi que les passions, et tu rates les bonnes œuvres. Cheikh Al-Utaymiyyah rahmatullah alayhi a dit, Ka'b ibn Malik disait, se disait chaque jour, je pars les rejoindre. Et le temps est passé, et il a raté sa sortie pour les rejoindre. Ka'b ibn Malik disait, Ka'b ibn Malik disait qu'il se sentait très mal quand il sortait au marché de Médine, alors que le prophète n'y était pas, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni les premiers qui ont quitté la Mecque pour Médine, ni leurs alliés, l'Ansar. Et il dit, rahimahullah, je le trouve, il y a à l'exception dit ce qu'il y avait, tous les meilleurs ne sont pas de Médine, à l'exception d'hommes connus pour leur hypocrisie, qu'Allah nous en préserve, ou un homme qui avait une excuse valable. Voilà ce qui est resté à Médine. Ceux qui avaient une excuse valable et les hypocrites. Et Ka'b ibn Malik se lamentait, radiyallahu anhu wa arda, comment il n'y a à Médine que cela et je suis resté avec eux. Et le messager d'Allah n'a cité Ka'b ibn Malik qu'une fois qu'il est arrivé à Tabouk. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah a dit Ka'b ibn Malik, quand il a su que le prophète est sur le chemin du retour, a commencé à se concerter avec certains sur l'excuse qu'il pourrait dire au messager pour justifier son absence. Il veut dire quelque chose au messager pour justifier son absence. C'est pour ça qu'il se concertait avec ceux qui étaient doués de raison parmi ses proches. Mais Ka'b ibn Malik a dit, quand le prophète est arrivé à Médine, toutes les fausses excuses qu'il y avait dans sa tête se sont dissipées et il a pris la ferme résolution de ne dire que la vérité au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu an Ka'b ibn Malik. Le prophète alayhi salatu wa sallam est arrivé à Médine. Et quand le prophète alayhi salatu wa sallam arrive à Médine d'un voyage, il rentre tout de suite à la mosquée. Cela fait partie de sa sunna. La première chose qu'il faisait alayhi salatu wa sallam, en revenant à Médine, dans sa ville, c'est d'aller directement à la mosquée et d'y prier dans le rak'at, alayhi salatu wa sallam. Ça, c'est l'acte dans la sunna du messager du prophète alayhi salatu wa sallam qui fait partie de sa sunna. Quand il revient du voyage, il passe par la mosquée d'abord. Et c'est ce qu'il a ordonné aussi à Jabir. Et Cheikh va nous citer ce qu'il a ordonné à Jabir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la mosquée. Et après avoir prié, il s'est assis. Et ceux qui se sont absentés sans excuse valable parmi les hypocrites sont venus le voir en jurant qu'ils avaient des excuses pour leur absence. Le prophète leur faisait l'allégeance, il leur dit, il leur fait dua, mais cela ne leur servira à rien. Il ne leur profitera pas, car qu'Allah nous en préserve, car il est dit dans le verset, dans la même sourate, قال عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. La traduction approximative du sens du verset, et ce verset se trouve toujours dans sourate le repentir, dans lequel sont cités les trois qui se sont absentés de la bataille de Tabouk et ceux qui sont venus présenter leurs fausses excuses au messager alayhi salatu wassalam. Donc la traduction approximative du sens du verset, que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas. Et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Ka'b ibn Malik disait, et j'ai pris la résolution de dire la vérité et d'être véridique avec le messager alayhi salatu wassalam. Je suis rentré à la mosquée et j'ai salué le prophète qui m'a fait un sourire de celui qui est en colère. Et puis il m'a dit, viens. Et quand je me suis approché de lui, il m'a dit, pourquoi tu t'es absenté? J'ai dit, Ka'b ibn Malik a dit, j'ai dit, oh messager d'Allah, mon absence n'est pas justifiable. Et je n'ai jamais eu de monture avant cette bataille. Et si je me présente devant un roi parmi les rois de ce bas monde, j'aurais pu justifier mon absence, car j'ai dû répondre. Ce qui veut dire, si j'étais devant quelqu'un d'autre que le messager, j'aurais pu me justifier, car je suis fort dans l'argumentation. Et il dit, radiyallahu anhu arda, mais aujourd'hui, je ne vais pas te dire des choses qui feront que tu sois satisfait de moi, et Allah me maudira pour cela. Cheikh Al-Uthaymeen de nous dire, regarde, regarde, médite cette foi, et il a annoncé au messager la vérité, et le messager l'a laissé de côté. Attendons la révélation d'Allah. Et dans cela, il y a des leçons à retenir, dit Cheikh Al-Uthaymeen. La première des leçons, Allah comble le serviteur par le fait de le préserver de la désobéissance par le biais de la bonne intention qui est dans le cœur de celui-ci. La première des leçons, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala comble son serviteur par le fait de le préserver de la désobéissance par le biais de la bonne intention qui est dans le cœur de celui-ci. Ka'b ibn Malik, dit Cheikh rahmatullah alayh, quand il a voulu mentir au messager d'Allah, Allah a dissipé cela de son cœur. Et Ka'b a pris la résolution de dire la vérité au prophète alayhi salatu wasalam, et il lui a dit la vérité. Radiallahu anhu wa arda. La deuxième leçon, l'être humain, quand il revient dans sa ville, il lui incombe d'aller prier d'orqa'at à la mosquée avant de rentrer chez lui. Et ça, c'est la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une sunna confirmée par l'acte du prophète alayhi salatu wasalam et aussi par la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Comme ceci est mentionné dans le hadith de Ka'b. L'acte du prophète alayhi salatu wasalam, dans le hadith de Ka'b, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé de Tabouk, il est allé directement à la mosquée et il prie d'orqa'at. Et s'asseoir pour accueillir ceux qui sont venus le voir. Et au niveau de la parole du messager, de la sunna, parole du prophète alayhi salatu wasalam, il est dans le hadith de Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah, durant le voyage de Tabouk, avait vendu, sur le retour, avait vendu son dromadaire au messager alayhi salatu wasalam sur le chemin du retour entre Tabouk et Médine. Mais Jabir a mis une condition pour cette vente, c'est que Jabir puisse utiliser sa monture jusqu'à Médine. Le messager d'Allah a accepté cette condition. Le messager d'Allah est arrivé à Médine avant Jabir. Et quand Jabir est arrivé, le prophète lui a ordonné de rentrer prier d'orqa'at. Il lui a ordonné de rentrer prier d'orqa'at. Voici la sunna parole du prophète alayhi salatu wasalam. Et Cheikh Rahmatullah alayh, Cheikh Al-Uthaymeen de nous dire, je crois que peu de gens accomplissent cette sunna alors qu'il est facile et la louange est à Allah. Et il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve que les dorqa'at soient une effet dans la mosquée où tu pries d'habitude, qui est proche de ta maison, ou alors dans l'une des autres mosquées de la ville sur ton passage. La troisième leçon à retenir, Ka'b ibn Malik est quelqu'un qui est fort dans l'argumentation. Mais le fait de préserver les droits d'Allah l'a empêché de mentir et il a annoncé au prophète la vérité. La quatrième leçon, l'être humain en colère peut avoir un sourire. Et si quelqu'un dit comment puis-je savoir que c'est un sourire de satisfaction ou de colère, on dit cela se sait et se voit sur les signes du visage, sur les signes qui accompagnent le sourire, le changement de la couleur du visage, et ainsi de suite. La cinquième leçon, il est permis de saluer celui qui est assis en étant debout. Car Ka'b ibn Malik a salué le messager en étant debout. Et le prophète lui a dit, viens. La sixième leçon à retenir, la discussion en étant proche l'un de l'autre est mieux pour communiquer car il était possible au messager de parler à Ka'b ibn Malik même s'il était loin de lui. Mais le messager lui a ordonné de se rapprocher car c'est mieux pour la discussion et les reproches. La septième leçon, la forte certitude de Ka'b ibn Malik, il a dit « Je peux justifier mon absence au prophète, mais je ne veux pas avoir sa satisfaction aujourd'hui et demain Allah sera en colère contre moi. » La huitième leçon à retenir ici, Allah sait ce que renferment les cœurs. Ka'b ibn Malik avait peur qu'Allah entende son débat avec le messager et descende et révèle un Coran, comme dans le cas du Mujadila, celle qui est venue se plaindre au messager alayhi salam de son mari. Et Allah a descendu le verset. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُزَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَ إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ. La traduction approximative du sens du verset, Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son mari, à propos de son époux, et se plaignait à Allah, et Allah entendait votre conversation, car Allah est Dieu et clairvoyant. Donc Ka'b ibn Malik a dit, je suis venu au messager et je lui ai dit la vérité et avoué que j'avais aucun justificatif pour cette absence, ni au niveau du corps, ni au niveau des moyens. Plutôt, Ka'b ibn Malik était aisé en ce moment, car jamais il n'a eu de monture avant la bataille de Tabouk. Et le prophète a dit, concernant Ka'b ibn Malik, celui-là, il a dit la vérité. Et ceci est un honneur pour Ka'b ibn Malik. Le messager l'a qualifié de véridique. Sadaqa hada. Il a dit la vérité. Et ceci, hein, c'est un honneur pour Ka'b ibn Malik que le messager lui atteste cette qualité de la véracité, d'avoir dit la vérité. Le messager lui a dit, va jusqu'à ce que Allah juge ta situation. Et Ka'b est parti soumis à l'ordre d'Allah avec une grande croyance qu'il n'y aura que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, et ce qu'Allah ne veut pas n'existera jamais. Impossible qu'il puisse exister. Hein? Regardez frère en Allah, Azzawajal, cette situation. Hein? Et cette position, et cette crainte d'Allah, et comment ce noble compagnon a été véridique, peu importe ce qui va lui arriver. Parce que, ils ont été mis de côté, lui et les deux autres, pendant 50 nuits. Hein? Regardez, et après, le repentir a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Regardez comment la véracité paye dans ce bas monde avant le delà. Hein? Et regardez le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'être avec les véridiques. Ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et soyez avec les véridiques. Donc n'importe comment, dans n'importe quelle situation, nous devons être véridiques. Même face à un mécréant, nous devons être véridique. Et nous devons nous habituer à attester la vérité et à dire la vérité, à être véridique dans nos paroles et que notre cœur soit rempli de véracité pour qu'il jaillisse sur notre langue et sur nos membres et que nos actes aussi soient des actes véridiques pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons arrêter, inshallah, pour aujourd'hui ici. Et aura la suite, hein, la semaine, inshallah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan.